pas droit au but. Trace, trace et fais ta place. Baisse pas les bras. Garde devant toi. Pas avancer, c'est déjà reculer. Le vrai combat.